Ecclésiaste chapitre 5. Quand tu entreras dans la maison de Dieu, prends garde à ton pied, et approche-toi pour ouïr, plutôt que pour donner ce que donnent les fous, savoir, le sacrifice, car ils ne savent point qu'ils font mal. Ne te précipite point à parler, et que ton cœur ne se hâte point de proférer aucune parole devant Dieu, car Dieu est au ciel, et toi sur la terre, c'est pourquoi use de peu de paroles. Car comme le songe vient de la multitude des occupations, ainsi la voix des fous sort de la multitude des paroles. Quand tu auras voué quelque vœu à Dieu, ne diffère point de l'accomplir, car il ne prend point de plaisir aux fous, accomplis donc ce que tu auras voué. Il vaut mieux que tu ne fasses point de vœux, que d'en faire et ne les accomplir point. Ne permets point que ta bouche te fasse pécher, et ne dis point devant le messager de Dieu, que c'est ignorance. Pourquoi se courroucerait l'Éternel à cause de ta parole, et détruirait-il l'œuvre de tes mains? Car comme dans la multitude des songes il y a des vanités, aussi y en a-t-il beaucoup dans la multitude des paroles, mais crains Dieu. Si tu vois dans la province qu'on fasse tort aux pauvres, et que le droit et la justice y soient violés, ne t'étonne point de cela, car un plus haut élevé que ce haut élevé y prend garde, et il y en a de plus haut élevé qu'eux. La terre a un avantage par-dessus toute chose, le roi est asservi au champ. Celui qui aime l'argent, n'est point assouvi par l'argent, et celui qui aime un grand train, n'en est pas nourri. Cela aussi est une vanité. Où il y a beaucoup de biens, là il y a beaucoup de gens qui le mangent, et quel avantage en revient-il à son maître, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le dormir de celui qui laboure est doux, soit qu'il mange peu, ou beaucoup, mais le rassasiement du riche ne le laisse point dormir. Il y a un mal fâcheux que j'ai vu sous le soleil, c'est que des richesses sont conservées à leur maître afin qu'ils en aient du mal. Et ces richesses la périssent par quelque fâcheux accident, de sorte qu'on aura engendré un enfant, et il n'aura rien entre ses mains. Et comme il est sorti nu du ventre de sa mère, il s'en retournera nu, s'en allant comme il est venu, et il n'emportera rien de son travail, auquel il a employé ses mains. Et c'est aussi un mal fâcheux, que comme il est venu, il s'en va de même, et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé après du vent? Il mange aussi tous les jours de sa vie en ténèbres, et se chagrine beaucoup, et son mal va jusqu'à la fureur. Voilà donc ce que j'ai vu, que c'est une chose bonne et agréable à l'homme de manger et de boire, et de jouir du bien de tout son travail qu'il aura fait sous le soleil, durant les jours de sa vie, lesquels Dieu lui a donnés, car c'est là sa portion. Aussi ce que Dieu donne de richesse et de bien à un homme, quel qu'il soit, et dont il le fait maître, pour en manger, et pour en prendre sa part, et pour se réjouir de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu lui répond par la joie de son cœur.